Parler de hockey mineur avec notre ami, on va essayer en fait de décoller une nouvelle chronique. C'est que l'année passée, ça faisait, depuis fait quelques années qu'on a une chronique de hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltin, une chronique qui roule rondement. Et je voulais faire ça avec Dolbeau, puis pour X raisons, ça a été difficile. Cette année, on a un nouveau président et on va parler avec le nouveau président, Danny Lavoie, parce qu'il y a eu une assemblée générale la semaine passée, ça a très très bien été. Salut Danny! Danny, première année à titre de président du hockey mineur, comment tu vois ça? Parce que moi, ce que j'entends parler, c'est que du hockey mineur, c'est beaucoup, beaucoup de chiolage, beaucoup, beaucoup de conflits à régler, et surtout en début d'année comme ça. Comment tu vois ça jusqu'à maintenant, ton expérience? Bien, effectivement, il y a beaucoup de ce que tu viens de dire, mais il n'y a pas uniquement ça. Okay. Pour moi, c'est une nouvelle expérience. Je prends la relève d'Alain Lavoie, là, qui était là pour la dernière année. Alain a fait un très gros travail. Fait que moi, dans le fond, la relève que je fais, c'est pour assurer une espèce de continuité, pour prendre les dossiers où il y en était, puis essayer de repartir sur des belles bases aussi avec nos parents du hockey mineur et nos jeunes. Effectivement, on a eu notre assemblée la semaine passée, où on a été capable de démontrer qu'on a quand même connu une belle année, puis on veut continuer comme ça là, pour cette année. OK. Danny, tu as un budget de 15 000 $, c'est un profit, en fait, sur un budget de 60 000 $. Et on a parlé avant de rentrer en onde, ce budget-là, ou ce profit-là, va fondre assez rapidement, je pense. Oui, comme à tous les débuts de saison, lorsqu'on réussit à dégager un profit, ben cet argent-là va tout de suite à la fédération là, pour payer les assurances, payer les quotes-parts, les droits pour la saison. On paye les assurances de nos jeunes. Puis cet argent-là, on était chanceux, elle provient du bon fonctionnement de nos tournois l'année passée. Okay. Fait que le pain et le beurre du hockey mineur, dans le fond, ben, c'est les tournois. Hein? Ouais. C'est toute l'implication des parents, des bénévoles, ce qui fait qu'on est capable de survivre et de garder nos prix d'inscription à des prix relativement bas, ben c'est cet argent-là qui nous provient des tournois. Fait qu'on peut le dire qu'avec le beau surplus qu'on a dégagé, ben que ça a été une année de réussite là, pour les tournois qui ont okay. rapporté beaucoup d'argent au niveau de la partie. Parlons maintenant de ces tournois-là, parce que c'était une question, je voulais y aller plus tard, mais là, tu m'ouvres la porte, fait qu'on va en parler tout de suite. Oui. Les deux tournois, là, le tournoi du Atome et le tournoi Bantam, Bantam ont été avant les fêtes, ont été changés il y a quelques années. Il restait celui du CFP, oui. Puis il me semble que le CFP, il était en perte de vitesse un peu, puis si je me rappelle bien, l'année passée, on pensait même l'emmener avant la période des fêtes aussi. Est-ce que ça va se faire cette année aussi? C'est encore en discussion, ça n'a pas été décidé officiellement encore pour voir si le tournoi allait changer de date, s'il allait être déplacé ou pas au cours de la saison. Okay. Le comité va se pencher là-dessus avec les parents bénévoles de ce tournoi-là. Il faut regarder aussi la possibilité là régionalement pour voir s'il en reste des dates disponibles pour le changer, parce qu'il y a beaucoup d'autres tournois, puis faut aller combler les trous qui sont disponibles. Fait que ça va être une discussion qui va se poursuivre là, dans les prochaines semaines, et une décision va être rendue quand même assez rapidement là, parce qu'il faut booker ça. Là, mais là, pour cette année, il est trop tard, là. Il n'est pas trop tard encore, mais par contre, il faut que ce soit décidé dans les prochaines semaines. OK, dans les prochaines semaines, OK. Niveau des inscriptions, la période d'inscription a eu lieu récemment. À quoi ça ressemble? Oui. 200 et quelques jeunes, là, à quelques jeunes près, là, c'est un petit peu plus de 200 inscriptions qu'on a. Ça veut dire que c'est très bien pour nous, au hockey mineur de Moussassini. Je pense que du côté normandais, il y a un petit peu plus qu'une centaine de jeunes aussi. Donc, on peut dire que c'est une belle période d'inscription qui se termine. C'est sûr que c'est encore ouvert là, pour les retardataires qui voudraient se faire une place au hockey mineur. Il y a toujours la possibilité de s'inscrire encore actuellement. Mais ça regarde bien. Là, pour la relève, là, au niveau pré-novice-novice, on a un bon bassin. C'est sûr que rendu Bantam midget, on perd tout le temps des joueurs à chaque année. Là, c'est normal, là, soit des réorientations, ils font d'autres choses. Il y a le travail aussi, des déménagements, etc., où ils découvrent d'autres sports. C'est bien normal. Mais on réussit à s'en tirer quand même avec un petit peu plus de 200 inscriptions cette année. Parlons, mais c'est quand même... est-ce que c'est une baisse ou une diminution? C'est pas mal... Non, c'est dans la moyenne. C'est dans la moyenne. Malgré la démographie, on réussit à se maintenir quand même. Moi, c'était pas la démographie comme la nouvelle réglementation dans le hockey mineur. On sait que la mise en échec est interdite cette année. On créait une perte, peut-être même de diminution. Fait que finalement, ça n'a pas eu d'impact, là. Non, ça n'a pas eu d'impact, puis je pense qu'au contraire, à long terme, ça va nous permettre de garder un niveau de jeunes un peu plus important au niveau bantam midget. Il y avait un facteur auparavant aussi, je ne t'ai pas mentionné tantôt, mais il y avait quand même des blessures qui revenaient ouais. assez fréquemment dans ces catégories-là. Étant donné la mise en échec et le contact physique assez sévère, ça occasionnait des blessures. Fait que cette année, on va voir là à quel niveau ça se situe, si nos jeunes aiment le nouveau fonctionnement là avec le contact physique versus l'abandon de la mise en échec. Ça va être en vigueur dès cette année avec le PIWI double lettre et ensuite les catégories bantam et midget au complet. Fait qu'on va voir comment est-ce que ça va se dérouler. Moi, je pense que ça va être quelque chose de positif. Ça va apporter un petit peu plus de jeu, un peu plus de rapidité au jeu. Peut-être davantage de beaux jeux aussi, là, vu que les jeunes vont un petit peu moins chercher la mise en échec. Okay. On va voir. Parlons maintenant du côté des entraîneurs. J'ai fait une entrevue avec Robin Bouliane dernièrement. Oui. Robin avait eu, il parlait toutes les années à ce niveau-là, il y avait des maux de tête parce qu'il y avait de la misère à se trouver des entraîneurs. Cette année, c'est une belle nouvelle. Là. Vous avez, il y a quand même eu une belle... il n'y a pas eu trop de casse-tête là-dessus, là. Non, ça a bien été. On a été chanceux cette année pour les catégories double lettre. Ça s'est réglé très rapidement. On a réussi à booker nos entraîneurs très rapidement. On avait fait un appel à candidature avant la fin de la saison. Puis on a eu une bonne banque de noms. Ça nous a aidé beaucoup à caser nos entraîneurs pour le début de saison. Il reste un petit peu la catégorie simple lettre là à combler, mais de ce côté-là aussi, là, Robin a fait un gros travail là pour aller chercher ses candidatures. Puis on est sur le bord de compléter là les équipes et les banques de noms. Ça, on a été chanceux. Ça a bien été, sauf que c'est un problème récurrent toutes les années. C'est ça de connaître. Je sais que pour les castors midget, il y avait eu des pourparlers un moment donné. C'est sûr que c'était pas le bon timing que les castors deviennent une espèce de sport-étude. Comme un peu comme les Mustangs. En tout cas, il y a eu des pourparlers là-dessus. Peut-être pas des pourparlers officiels, mais des pourparlers. Il y a des gens qui disaient que ce serait peut-être la solution. Est-ce que cette année, vous allez travailler là-dessus ou c'est pas du tout dans vos projets? Non, cette année, ça fait pas partie des projets. On essaie de consolider la base qu'on a actuellement au hockey mineur, donc de renforcer les bases qui sont en place. Je dis pas qu'éventuellement, ça peut pas devenir un programme envisageable, mais pour l'instant, là, ça reste un peu des spéculations ou des rumeurs. On n'est pas avancé dans le projet du tout. Là, puis pour l'instant, ça demeure dans le domaine du possible, mais pas plus. Les arbitres, est-ce que l'entraîneur, ça a bien été du côté des arbitres? Est-ce que ça va bien de ce côté-là? Je sais que c'est la job la plus ingrate, c'est le clown parmi le monde, donc ça doit pas inciter vraiment beaucoup de monde à participer. Est-ce que là-dessus, cette année, ça va bien? Je sais qu'il y a une clinique qui s'en vient bientôt. Oui, il y a une clinique au courant du mois de septembre, le 20 septembre. Luc Tremblay, notre responsable des arbitres, me disait justement cette semaine que ça allait bien malgré tout au niveau des arbitres. Il va y avoir plusieurs vétérans qui vont être de retour. Notre banque de jeunes est suffisante pour débuter notre saison. Le problème, c'est toujours le même, c'est essayer de garder tout ce beau monde-là pour garder ce bassin d'arbitres-là adéquat. Mais pour l'instant, ça va bien. Il y a une banque de noms qui s'est rajoutée pour la clinique des arbitres, la même affaire pour les marqueurs et chronomètres. Donc, le travail se fait, puis là, qui est bien satisfait de comment ça se déroule. OK. Est-ce que, comment vous avez d'arbitres à peu près? Je sens vouloir te compter de m'entrichier. Pas le chiffre exact, là, mais on parle d'environ 20-25 personnes là, qui sont impliquées au niveau de l'arbitrage et des juges. OK. Ça inclut-tu les ligues de garage? Dans les 25 arbitres, c'est parce qu'il y a c'est sûr que vous réglementez pas le hockey mineur et pas impliqué dans les ligues de garage, mais est-ce que c'est les mêmes arbitres souvent? Ben, c'est pas mal les mêmes arbitres, mais il y en a qui préfèrent faire un petit peu plus de ligues de garage, puis d'autres préfèrent se consacrer au hockey mineur, mais c'est pas mal le même. Il y a un nouveau comité aussi qui a été, il y a eu des nouvelles personnes qui se sont greffées, je pense aussi. Oui, on avait beaucoup de personnes, des membres sortants du comité cette année. Fait qu'on a eu beaucoup de postes à combler. Fait qu'effectivement, là, il y a une nouvelle équipe en partie renouvelée, là. Fait qu'on va avoir, on a des nouvelles personnes là, qui s'impliquent pour la première fois auprès du hockey mineur. Je pense à Patrice Aubé, par exemple, à Cindy Morel, Mais tous des gens qu'on connaît un peu, puis qu'on sait qu'ils sont capables de, d'offrir beaucoup de temps et de bénévolat pour le comité. Ben, Danny, j'aimerais ça qu'on se parle à tous les semaines. Comment on fait avec Robert Vance? C'est pas mal le fun avec Hugo Maltin. Fait oui. que, je sais oui. pas, ça, là, aujourd'hui c'est jeudi, donc on va se communiquer au cours des prochaines semaines pour voir un peu qu'est-ce qui se passe au hockey mineur de Boom-Sisley. Ben, ça m'a fait plaisir de faire. Ben voilà, donc c'était le président, le nouveau président du hockey mineur de Boom-Sisley, Danny Lavoie.